Je me trouve aujourd'hui avec Valérie Lassalette, qui est animatrice du relais assistante maternelle de l'association d'aide familiale et sociale, et avec Florence Saint-Macary, qui est elle-même assistante maternelle. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Alors, l'association d'aide familiale et sociale est une association loi 1901 qui a aujourd'hui 40 ans. En fait, elle emploie d'une part des assistantes maternelles, donc qui travaillent à leur domicile et qui accueillent chacune trois enfants. Un autre service existe aussi, c'est le relais assistante maternelle, qui est un service qui est gratuit et qui donne des informations aux familles qui sont à la recherche d'un mode d'accueil pour leur enfant. Et puis, c'est aussi un moyen de rencontre pour les assistantes maternelles réguliers qui viennent donc alors sur Andail à la maison de la petite enfance. C'est un regroupement hebdomadaire. C'est un moyen donc d'échange entre les assistantes maternelles. Elles échangent sur leur travail, sur leur façon de faire. C'est aussi un regroupement pour les enfants, puisqu'on organise des activités diverses, adaptées donc pour les enfants entre 3 mois et 3 ans, 3-4 ans. Lorsque j'ai commencé à travailler, c'était donc il y a 8 ans, j'ai eu connaissance de ce relais assistant maternel un peu par hasard. Et je me suis rendue à ce relais dans un premier temps uniquement pour savoir quelles étaient les conditions. Ce qui est quand même important, parce que quand on est assistante maternelle indépendante comme moi, on est salarié, on a des employeurs, hein, qui sont donc les parents des enfants. Mais par contre, il y a tout un tas de papiers, notamment des fiches de paye, etc., que nous ne savons pas faire. Et les employeurs non plus. Parce que les employeurs ne sont pas des chefs d'entreprise. Donc les parents eux-mêmes patogent un petit peu parfois dans cette paperasse-là. Donc moi, je me suis rendue au relais pour d'abord avoir connaissance du contrat de travail, comment ça se passait pour nous, pour mon information, pour après informer les parents. Et en fait, durant la première année de mon... Voilà, lorsque j'ai commencé, j'avais deux petits bébés. Bon, mais j'ai travaillé seule chez moi avec ces deux petits. Bon, je faisais un travail qui me semblait bien sûr correct. Puis j'ai appris qu'il y avait des rencontres, justement, de relais hebdomadaires. Donc, je me suis rendue pour une première fois là. Et ça m'a plu parce qu'en fait, cette première année que j'avais passée seule chez moi... j'étais un peu isolée, voilà. Je travaillais chez moi avec mes petits. Alors que lorsque j'ai été au relais, j'ai commencé à tisser d'abord, à rencontrer des collègues, voilà, Et ce qui m'a d'abord beaucoup apporté, hein, parce que c'est intéressant, je pense, quand on fait le même métier, de se rencontrer. Et aussi, je pense que j'ai amené un plus, bien sûr, à l'enfant et tout le côté atelier que propose le relais, convient vraiment aux petits qu'on accueille. Hein, voilà. Et ce que je mets toujours en avant, lorsque j'ai un nouveau contrat avec des parents, j'insiste toujours sur le fait que je vais au relais assistante maternelle. Il est vrai que on peut se dire que tout le monde peut garder des enfants. Tout le monde est amené à être parent à peu près, donc tout le monde peut du jour au lendemain être parent et du coup élever des enfants. Donc pourquoi pas garder d'autres enfants, hein. Et c'est pareil, je pense, bien sûr, pour garder une personne âgée, on peut bien sûr. Mais à partir du moment où on fait ce travail et qu'on ne travaille pas avec ses propres enfants, là on devient professionnel, d'accord. Alors pour lutter contre l'exclusion, on peut dire que c'est vraiment très très important. Il y a eu un temps, d'ailleurs, on a eu peur, nous, assistantes maternelles, que le service de relais disparaisse. Que, justement, ce service de relais ne soit plus proposé que pour les contrats des parents. Mais plus pour nous, on n'avait plus de relais d'accueil, on avait peur de ne plus avoir de salle de réunion où on puisse se rencontrer, d'avoir ce service d'animation, avec donc une animatrice, donc éducatrice de jeunes enfants, qui est à notre service. Et on s'est dit, il va nous manquer quelque chose, parce que, justement... on est précaire parce que non seulement on n'est pas considéré dans le monde, c'est une profession, la plupart des gens se disent, bon, elle ne travaille pas, on est assistante maternelle, bon, attends, moi aussi j'ai eu des enfants, bon, voilà. Donc on n'est pas considéré, premièrement. Deuxièmement, on doit tout le temps se renouveler. On peut avoir trois enfants en garde, l'année d'après, mais ces petits vont à l'école, il faut retrouver. On est tout le temps à recherche d'emploi. Donc il est vrai qu'on est seul, On est dans un système d'emploi qui est précaire. Hein. Donc, si on n'arrive pas à se fédérer, à se réunir entre eux pour se sentir un petit peu plus puissante, on n'avance pas. Et ce qui est important, justement, avec le relais, c'est qu'on se rencontre. Et entre nous, on peut céder à... en marche comme ça, j'ai 3 places. Mais non, je suis complète, hein, d'accord, je ne peux plus accueillir l'enfant. Mais par contre, je connais un parent qui m'a contacté, qui est intéressé. T'es, voilà, je te donne tes coordonnées. Voyez, et ça, c'est important. C'est un lien entre nous. Donc, bien sûr que c'est très important. Et ça peut justement lutter contre la précarité de ce travail qui n'est pas facile par rapport à... On a toujours des revenus irréguliers, voilà. Donc, c'est intéressant. Oui, je pense que le relais... fait prendre conscience aux assistantes maternelles qu'elles exercent un vrai métier. C'est un métier donc à part entière. Même si elles le pratiquent chez elles, à leur domicile, le relais peut permettre aussi, actuellement, de poursuivre des formations dans le cadre de la formation continue qu'il existe aujourd'hui chez tous les salariés. Il existe une convention collective aussi, depuis 2004, qui va légiférer les droits et devoirs des assistants maternels en tant que salariés ainsi que les droits de leur employeur. Des hommes qui travaillent comme assistants maternels. Ouais. Il y en a. Lorsque j'ai fait ma formation, parce qu'on fait quand même une formation en amont avant d'être assistante maternelle, je n'ai pas eu d'hommes, mais j'ai 2 collègues qui ont eu, en faisant 2 formations séparées, un homme parmi eux. Voilà. Et dans le relais, est-ce qu'il y a des hommes qui participent aussi à ces réunions ou pas pour l'instant ? Actuellement, non. Il n'y a pas d'hommes assistants maternels. Actuellement, on peut recevoir au cours de ces réunions des parents. Pour moi, qui n'ai pas rencontré d'homme assistante maternelle, pour moi, le métier d'assistante maternelle est un métier d'assistante maternelle. Alors que ça pourrait être tout à fait possible que ce soit un métier d'assistant maternel. Je pense que nous, dans notre fort intérieur, on pense en effet que c'est un métier de femme. Parce que, par rapport à la mère, c'est tout simple. Je pense que voilà, la filiation, voilà, on a la mère a des enfants et s'en occupe, hein. Par contre, ça peut être réducteur, parce que du coup, on peut se dire qu'il n'y a que des femmes qui peuvent s'occuper d'enfants, ce qui n'est pas du tout vrai dans la vie de tous les jours. Hein. Alors, comment réagissent les familles qui sont à la recherche d'une assistante maternelle et qui vont, à un moment donné, rencontrer un assistant maternel ? Qu'est-ce qui se passe dans la tête des parents ? Le relais assistant maternel. Elle nous a proposé, nous avons donc suivi une formation que l'on faisait hors de notre temps de travail, parce que sinon il est très difficile d'effectuer une formation sur notre temps de travail, parce qu'on est multi-employeur. Donc vous voyez, ça rajoute une difficulté à ce... Quand je disais que c'est précaire, on est précaire sur plein de points. On ne peut pas, si on veut faire une formation, il faut que tous nos employeurs soient d'accord. D'accord ? Donc c'est pas forcément simple, ça. Donc en fait, le relais nous a proposé de faire une formation avec justement une professionnelle qui était hors cadre assistante maternelle, qui était donc une psychologue. Et ça a été très, très important. Ça nous a permis d'échanger. Ça aurait été pas possible si le relais ne l'avait pas fait. Parce que tout ce qu'on peut suivre en formation, ce sont des formations que nous propose la GFOS, PME, et qui sont pendant notre temps de travail. Et c'est irréalisable. C'est bien dommage, d'ailleurs. Parce qu'en fait, on pense savoir. On pense qu'il faut faire comme ça parce que notre mère a fait comme ça avec nous. Et finalement, non, c'est peut-être pas forcément ça qu'il faut faire. Pourquoi un enfant ne mange pas ? On doit se poser des questions. Et ces questions, on ne se les poserait pas en tant que parents, peut-être. Hein, mais nous, en tant que professionnels, on se les pose. Ça nous a éveillés. Donc effectivement, une des missions du relais, c'est de promouvoir cette formation continue. Et c'est important pour elles de se poser sans les enfants et de faire le point sur leur travail avec d'autres, de réfléchir ensemble, d'écouter les autres, de pouvoir apporter ce qu'on fait et qu'il y ait quelqu'un qui puisse faire la synthèse et aider à trouver des solutions. Moi, je pense qu'il faut vraiment insister, permettre, donner les moyens de se former davantage. C'est un vrai métier. En effet, c'est la formation. Imaginons qu'on voudrait être assistante maternelle pendant 20 ans. Notre formation de base, une fois qu'on l'a, on l'a à vie. D'accord ? Ça veut dire qu'on est formé au tout début, on va dire dans la première année de notre travail, hein, et c'est tout. Et après, on peut rester sur ces acquis-là qui sont très très faibles. Et il faut savoir se remettre en question. Parce que justement, on travaille avec des petits êtres vivants, hein, des petits êtres humains, mm-hmm. même plus. Donc voilà, il faudrait, voilà, on a tous conscience. Je pense maintenant que les assistantes maternelles ont conscience qu'elles sont professionnelles. Ce n'est plus le métier de gardienne. Avant, on était des nourrices, quand on allaitait, n'est-ce pas, on va dire au 19e siècle. Puis après, on a parlé de gardienne. On n'est plus des gardiennes, on est des assistantes maternelles. Et oui. C'est vrai que le mot a changé, mais parce que la formation, la profession a changé aussi. Je pense que les assistantes maternelles, maintenant, ont conscience qu'elles sont professionnelles, mais on en veut plus.